Jean Chiatzaï, Radio Campus Grenoble. Peignante de Grenoble Architecture Second Dub. Pampène de fréquence 90.8. Tant qu'il y a Kilou Chaton, tu as Studio Radio. Bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Il est 17h03. Vous êtes toujours sur Radio Campus Grenoble 90.8 FM et en direct de l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble pour une émission et une journée plutôt de radio en direct de l'école. Nous sommes encore ensemble jusqu'à 19h. N'oubliez pas, restez avec nous et bonne émission. Gracianopolis. Yvan Mazel, Rémi Junioron. L'émission sur la métropole grenobloise. Radio Campus Grenoble 90.8. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de Gracianopolis, une émission un peu revival. Donc c'est Yvan Mazel au micro, mon collègue Rémi Vigneron malheureusement n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. On est cette fois pas dans le studio de Radio Campus Grenoble, mais on est dans des nouveaux studios de l'école d'architecture à Grenoble, toujours. Et donc j'aurai le plaisir de échanger pour cette émission un peu spéciale, hein, puisque vous comprenez bien que c'est un numéro unique, avec Gwendoline et Angèle qui ont participé à organiser donc cette journée de lancement de ce nouveau studio radio. Bonjour Angèle, bonjour Gwendoline, merci de participer à cette discussion. Merci Yvan de proposer ce programme pour le lancement de ce nouveau lieu dédié à la radio hein, qu'on a mis du temps à lancer et qu'on est très très heureux d'accueillir aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que c'était Gracianopolis? Présente-nous l'émission en quelques mots, s'il te plaît. Alors l'émission Gracianopolis qu'on a proposé un peu de faire revivre pour cette journée, c'était une émission de radio qu'on avait montée donc avec mon collègue de l'époque Rémi Vigneron. On était tous les deux jeunes doctorants au laboratoire architecture, environnement et culture constructive à l'école d'architecture de Grenoble. C'était il y a une dizaine d'années et on voulait approfondir notre connaissance du territoire grenoblois pour avoir des temps d'échange privilégiés avec les acteurs et partager une diversité de points de vue sur l'aménagement de la métropole, pas seulement non plus entre experts ou enseignants-chercheurs des universités ou des écoles, et donc de mettre au débat ces questions d'aménagement. Merci beaucoup. Les motivations de ce projet, c'était de s'approprier en tant que jeune chercheur ce média qui était un peu original et de s'adresser justement pas qu'aux étudiants, aux chercheurs, mais à tous les publics de Radio Campus, notamment aux étudiants et personnels qui sont pas du tout spécialistes de l'aménagement, qui sont pas de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage ou de la géographie. Et avec Rémi, on écoutait, je crois qu'on écoute encore beaucoup la radio plus que on regarde la télévision, et donc on avait envie de partager nos curiosités, nos connaissances à travers ce média. L'intérêt, c'était aussi donc d'avoir des temps en studio comme on a aujourd'hui et d'avoir des temps où on allait sur le terrain créer des contenus sonores de reportages, de micro-trottoirs où on rencontrait autant des habitants ordinaires qu'on croisait par hasard, autant des politiques ou des acteurs associatifs qu'on sollicitait pour l'émission. Et donc un des contenus sonores qui nous a donné envie de mieux connaître l'histoire de Grenoble et de la partager, c'est notamment bon les archives de l'INAC, tout le monde connaît, et particulièrement une célèbre archive que je pense là aussi beaucoup de Grenoblois connaissent, qui est ces archives qui sont liées aux Jeux Olympiques de Grenoble. Et on l'écoute tout de suite. Chef de l'État, de la tribune officielle. Je proclame l'ouverture des 10e Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. Ah voilà la plus belle réussite que la ville de Grenoble ait pu avoir. La nouvelle gare. Elle est belle, on dirait Orly. Oh comme ça. Oui, elle est splendide. Quand même, pour les habitants de Grenoble, ça aura permis de moderniser la ville en Donc, hein. Ça donnait un coup de fouet au point de vue magasin, au point de vue bâtiment. Ils se sont vus en demeure de faire du modernisme quand même, parce que j'ai conduit des gens qui venaient de la région parisienne, ils m'ont dit à Grenoble, maintenant nous trouvons des magasins qui sont aussi jolis qu'à Paris. Si l'on pouvait encore douter de l'utilité des Jeux Olympiques, l'exemple de Grenoble suffirait à remettre les choses au point. La course contre la montre que vient de disputer et de gagner la capitale du Dauphiné lui a permis non seulement de combler son retard, mais de prendre 20 ans d'avance en matière d'urbanisme. Il n'y avait que des maraîchers dans le temps. Un peu plus loin, c'était l'emplacement de l'ancien aéroport. En moins de 2 ans, ça a tout disparu. C'est incroyable la vitesse à laquelle c'est... Une vraie champignonnière. La flamme olympique peut s'éteindre, il restera les réalisations. Maison de la culture, nouvel hôtel de ville, nouvel hôpital, nouvelle gare. Il restera aussi cet équipement sportif de premier ordre, ce stade de glace digne d'une métropole du futur, construit pour abriter les plus grandes confrontations internationales. Et puis Grenoble 68, ce fut le passage du noir et blanc à la couleur. La télé et les jeux se découvrent pour la toute première fois. Grenoble 68, le début d'une nouvelle ère de l'Olympisme. Donc, on a introduit ton propos. Donc, on est avec Yvan Mazel pour parler de Gracianopolis. Donc, dans la lignée de tes... De Lina, tu peux nous dire pendant combien de temps vous avez réalisé ce programme ? Eh bien, cette émission Gracianopolis, on l'a réalisée du coup il y a une dizaine d'années, durant un an et demi en 2014-2015, une année universitaire et demie. Et on a réalisé une grosse dizaine d'émissions, donc une saison complète, plus 3 émissions supplémentaires, dont aussi un best-of, dont sont extraits un certain nombre de contenus sonores qu'on écoute aujourd'hui. Et donc, dans toutes ces émissions, quels sujets avez-vous abordé et comment abordiez-vous les sujets que vous souhaitiez traiter Alors, l'idée générale, c'était de traiter des thématiques assez diverses et d'essayer de prendre du recul avec un expert, une experte du sujet, voilà, qui pouvait être universitaire ou non. On a par exemple reçu Gilles Novarina, qui est ancien directeur d'un studio d'urbanisme, pour traiter l'histoire urbaine de Grenoble, avec Gabriel Jourdan, qui est spécialiste des transports à la URG, toujours aujourd'hui, me semble-t-il. On avait échangé sur les transports, sur l'économie métropolitaine. On avait invité Magali Talandier, qui est à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine. Et sur l'espace public, voilà, quelqu'un que connaît bien sur la question du son et au Cresson, qui est Henri Torgue. Donc on comprend bien que ça a permis de produire beaucoup de connaissances sur le territoire grenoblois, mais est-ce que c'était des émissions qui se concentraient sur des problématiques uniquement sur l'agglomération, ou est-ce que ça a été un petit peu plus vaste ? Eh bien, c'était en fait le point de départ, puisque on avait profité des débats et de l'actualité sur la mise en place de la métropole en tant qu'institution, quoi. Mais au fil du temps, on a eu envie aussi de traiter de manière plus indirecte ou plus à partir d'un territoire spécifique, notamment le quartier Saint-Bruno, les questions d'aménagement à Grenoble, et également venant aussi, étant inscrit en thèse dans une école d'architecture, à partir d'une manière de construire et d'un matériau qui était le béton. Et là, on avait reçu Cédric Avenier qui a écrit sur le sujet. Et donc l'équipe qui a participé à cette émission était déjà assez diversifiée et experte, mais avez-vous aussi invité d'autres personnes que des enseignants, enseignantes, chercheurs, chercheuses ? Donc effectivement, on avait principalement des anciens chercheurs invités, qui étaient mis au regard, on entendra plus tard, de micro-trottoirs, également d'interviews qu'on diffusait sous forme de petites pastilles dans l'émission. Mais pour certains sujets, notamment l'habitat participatif, on avait dialogué avec Camille Schex, qui était chargé de mission à l'association Les Habiles, qui est bien connue à Grenoble sur cette thématique. On avait convié aussi Serge Bonnefoy pour traiter de l'agriculture urbaine, qui venait représenter l'association Terre en Ville. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui comme premier extrait ? Eh ben, le premier extrait, comme je le disais, c'est des extraits du best-of qu'on avait fait, que j'ai un peu reconfiguré, mais qui permettent... mis au regard les uns des autres, ces extraits, de montrer un peu les différentes appréhensions de cette métropole grenobloise. Et d'abord, je vous propose quelques extraits sur la question de l'échelle. Qu'est-ce que c'est la métropole grenobloise? Quelle est son échelle? Avec dans l'ordre Pierre Belliris, qui était enseignant ici, Gilles Novarina, puis Gabriel Jourdan. Trois petits extraits assez courts, dizaines de secondes chacun. Grenoble, c'est une grande petite ville, une petite grande ville. Métropole, c'est presque un peu prétentieux. Bon, on réserve ça en général à des agglomérations d'une taille beaucoup plus importante. Quand même, les grandes métropoles sont des très grandes villes. On peut dire que Londres est une métropole, par exemple. C'est peut-être moins évident pour Paris, par exemple. Alors Grenoble ou Lyon, c'est encore une catégorie de ville inférieure. C'est clairement le grand bassin de vie, c'est clairement la grande région grenobloise. Ça se limite pas à Grenoble et à sa proche banlieue. Et maintenant, je vous propose, toujours sur le thème de qu'est-ce qu'est cette métropole, comment on pense son aménagement, sa dimension environnementale et géographique qu'aborde Henri Torque tout d'abord, puis Serge Gros, ancien directeur du CAU. C'est un espace qui est fortement contraint par le site géographique dans lequel il est. Il faut en faire un avantage. Il ne faut pas lutter contre, il faut tenir compte de ces contraintes, mais il faut en faire un avantage, parce que sans ça, on ne pourra pas lutter contre le site géographique. Alors, pour l'instant, on n'occupe pas les pentes, il y a plein de choses qui sont en développement dans cette possibilité-là. On a une diversité de situations. Chaque quartier évoque des choses, mais aussi chaque ville, chaque village, chaque posture, selon qu'on est adossé à tel ou tel massif, et derrière, pour nous, sous-tend une manière d'habiter singulière. Et maintenant, un dernier triptyque d'extrait qui traite plutôt du potentiel développement de la ville. C'est un peu plus long, c'est plutôt de l'ordre de la minute, avec dans l'ordre toujours Gilles Novarina et Pierre Belliris, et également Magali Talandi. On écoute d'abord du coup Gilles Novarina. La technopole qui se rêvait métropole. Je pense que Grenoble est une ville internationale, avec une mixité de population, avec des gens qui viennent de l'extérieur, et elle est connue pour sa spécialisation scientifique. Et ça, ça a été ce qui a fait aujourd'hui le développement de Grenoble. Je pense qu'aujourd'hui, Grenoble doit changer de cap. La spécialisation scientifique, l'excellence scientifique ne suffit plus. Pour être métropole, il faut être en mesure de mettre ensemble des ingrédients qui sont des ingrédients différents. Donc, bien entendu, le développement technologique, sans doute la ville créative. Et la ville créative, c'est pas simplement les activités culturelles, c'est des activités culturelles branchées sur la société, branchées sur le développement économique. Une maison de la culture suffit pas. Il faut des activités de design, il faut des activités liées à la mode. Ils font des choses qui sont sur le web, par exemple, sur le design, le web design, par exemple. Et toutes ces choses-là manquent cruellement à Grenoble. Et je pense que le nouveau défi de Grenoble, c'est d'imaginer un développement économique, un développement social appuyé sur différentes choses, appuyé aussi sur la qualité de son environnement, sa liaison à la montagne qui n'existe pas aujourd'hui. On prend un téléphérique qui arrive en haut de la Bastille mais qui n'arrive nulle part. Il faudrait avoir des liens plus importants, peut-être par téléphérique, peut-être autrement, qui soit aussi capable d'imaginer qu'autour d'elle, elle a une agriculture qui peut fournir des produits de qualité, développer la restauration, imaginer toute une série d'activités par exemple Zurich est connu pour des sacs qui sont faits avec les bâches de camion. Donc imaginer ce type d'activité, c'est seulement à cette condition, si on arrive à mobiliser un certain nombre d'énergie créatrice dans la société civile, que Grenoble pourra devenir métropole. Elle vit sur l'idée de l'innovation, et l'innovation, la modernité, c'est délicat, c'est un peu comme un oiseau, on court toujours après, plus on s'en approche, plus il s'éloigne, et du coup, voilà, c'est la fuite en avant. C'est pas facile de courir après cette vocation d'innovation et de modernité. Quand on parle du modèle grenoblois, c'est de cela dont on parle, où c'est l'articulation entre acteurs économiques, industrie, recherche et formation. Hein, c'est le troisième pilier, avec l'acteur public qui joue un rôle décisif pour mettre aussi ces trois piliers en relation. Alors c'est vrai qu'on est sur un territoire qui a une histoire, qui a un savoir-faire en termes d'innovation, qui a un savoir-faire aussi pour faire connaître cette capacité grenobloise à être innovant. Le projet Giant est un projet symbole, emblématique, qui donne à Grenoble un profil de cité de la connaissance, de technopole, qui est un véritable atout. Mais par contre, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que ce modèle est nécessaire, mais n'est pas suffisant. C'est-à-dire que penser que le développement économique de Grenoble coulera toute seule sur la base de ce type d'économie, ça c'est terminé. Ça ne suffira pas à entraîner toute la population et tous les territoires autour dans un chemin de développement et de croissance. Et l'impact de la crise dont on a parlé précédemment a souligné ce problème-là, cette déconnexion. Donc faisons attention à bien faire en sorte que tous les wagons soient attachés et qu'on soit tous sur le même train. On a pris le temps d'écouter ces témoignages qui effectivement revenaient largement ce fameux modèle grenoblois, modèle de développement. Il y avait aussi des extraits qui finalement ne figurent pas ici sur le dynamisme socio-culturel, sur la richesse des échanges. Au niveau de la technique, on débutait aussi. Donc il y a des extraits qui sont un peu difficilement audibles aujourd'hui. En tout cas, c'était Gabriel Jourdan qui, au-delà de parler transport, avait évoqué aussi le croisement culturel qui peut exister à Grenoble, autant lié à son histoire et la forte immigration et les différentes communautés qui ont été accueillies, autant aussi aux connexions internationales de ces activités. Et c'est bien intéressant aujourd'hui d'écouter ces acteurs. Magalita Andier parle par exemple du projet Giant, comme si ça serait clair pour tout le monde, ou des débats sur est-ce que les métropoles sont pertinentes, à quel niveau. Aujourd'hui, c'est vrai que 10 ans après, on se pose moins ces questions. En tout cas, on voit aussi, même entre spécialistes, les débats que la question de l'innovation pose, ou du modèle grenoblois, c'est intéressant, ce qu'on ne faisait pas à l'époque, d'aussi de mettre en débat des experts du sujet. Quoi, voilà. Merci en tout cas, Yvan, merci pour la richesse de ces différents extraits. Et vous avez parlé, nous avons parlé de technique juste avant. Qu'en était-il du rythme de l'émission originale de Gratianopolis? Eh bien, l'émission, elle avait été montée avec les équipes de Radio Campus Grenoble. Effectivement, une émission de plateau, comme ça, pour qu'elle soit aussi audible, il ne fallait pas qu'elle dure vraiment plus de 30 minutes. Donc, elle durait 30 minutes avec beaucoup d'extraits et au minimum une pause musicale. Donc là, on en a 45, donc il y a deux pauses musicales. Dont voici la première, c'est... Thank you. c'est la multiplicité des récits qui peut approcher d'une partie de... Vous, en tant que résident de Grenoble, vous résidez donc à Grenoble. J'ai vu une dégradation en niveau... Deux ans et demi, Boucher-Vialet, et du rêve de Grenoble ouvrier de Beria, et donc on était vraiment en bout de zone. Plus que j'ai une déchetterie en face du bar qui est dans le restaurant, les gens jettent. Le site Boucher-Vialet, c'est un peu un no man's land, donc c'est ouvert un peu à tous les vents. C'est normal. C'est vrai que là, et maintenant, les habitants et les entreprises sont de l'autre côté du Drac, donc il faut bien. Ça me semble être un petit peu dangereux. Il y a les toits qui se cassent la gueule, les verrières qui se cassent la gueule, il y a des gens qui traînent. C'est assez dangereux de ce côté-là. Enfin, c'est en tout cas l'idée que je m'en fais. On pourrait fort heureusement faire penser à Berlin, c'est-à-dire un lieu à la fois de désolation, de destruction, de coupure, notamment avec ce mur contre l'autoroute. L'autoroute, c'est pas intéressant. Autrement, il faudrait que. C'est vrai qu'ils ont fait une espèce de barrière. Si ça se développe derrière, ça fait une espèce de. Le tout service, comme le tout artistique, le côté artistique, effectivement, création, pépinière d'entreprise, quelque chose, quoi. Ça reste de l'industrie et des choses assez lourdes. On est toujours sur Radio Campus Grenoble 90.8 dans l'émission Revival Gratianopolis sur la métropole grenobloise. On est ici avec Yvan Mazel dans le cadre de l'inauguration du studio de radio de l'école d'architecture de Grenoble. Et donc ça va être le moment de parler avec toi de la composition de l'émission. Évidemment, on lance un studio de radio, donc on est toujours preneur, preneuse de plein d'idées, de structures, de qu'est-ce qu'on a envie de faire, de comment ça peut s'organiser. Donc si tu pouvais nous parler un petit peu plus précisément de la structure de l'émission, comment c'était composé, ça pourra nous servir. Assez simplement, on avait l'idée de l'émission, mais effectivement, bien qu'on ait des auditeurs, je pense, assez attentifs, notamment des différentes émissions de Radio France, il n'existait pas encore l'application à l'époque, on ne savait pas nécessairement construire une émission. Mais la structure, en fait, elle était assez simple. Hein. C'était un billet d'introduction qui permettait à la fois de planter le sujet, de donner des éléments de contexte qui n'étaient peut-être pas traités dans l'émission et aussi de présenter l'invité. Et on avait un premier temps d'échange un peu plus général sur le sujet. Et à chaque fois, on mettait au regard la parole de l'expert d'un micro-trottoir, d'un autre interview fait au préalable. On avait donc la pause musicale, comme vous l'avez compris. Et puis, on approfondissait la question dans un deuxième temps, pendant 8-10 minutes. Et c'était important de pas non plus parler pendant plus de 3-4 minutes sans coupure, quoi. Donc, il y avait un travail, on va l'entendre un peu ensuite, quand même, d'avoir des micro-trottoirs, d'avoir des interviews, d'avoir des extraits d'archives à mettre aussi au débat pour confronter la parole de l'expert, à la fois de la parole citoyenne et de la parole politique, ou plus exactement de prendre les paroles citoyennes et politiques, mais d'avoir aussi une prise de recul, dans une approche un peu universitaire, quoi. On se refait pas, quoi. Après, une approche simple peut être très très efficace aussi. La broderie, c'est pas forcément le mieux. En tout cas, est-ce que tu aurais un nouvel exemple justement de thème ou d'étude que tu as mené avec Rémi à nous donner ? Effectivement, avec Rémi, on s'intéressait au mode d'habiter, notamment en territoire périurbain et rural. Et donc, on avait fait une émission sur le sujet de l'habitat en évoquant la question de l'habitat, notamment avec Serge Gros, qui était directeur du CAUE, mais aussi avec Camille Chex, qui était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, membre de l'association Les Habiles. Et on avait fait d'ailleurs parfois des interviews très très longues et dont on extrayait 3-4 minutes pour passer durant l'émission. Donc je vous propose d'abord d'écouter Steven Mélémis aussi, qui est un compagnon de route du Cresson. Donc je me disais qu'il avait aussi sa place, qui a habité, il me semble, le quartier de la Villeneuve et qui nous en parle et qui est aujourd'hui enseignant-chercheur. En espérant que ça marche. Est-ce que c'est le fameux fichier OGG, Yvan ? Avec un format son particulier. Je peux essayer quelque chose. Si on a 30 secondes, on doit pouvoir faire quelque chose. Effectivement, c'est un long extrait. Je brode. Brode un petit peu. Brode qui un petit peu, pour y arriver. Raconte à la fois l'histoire de la Villeneuve, d'où vient cette idée-là, quelles sont les critiques qui sont faites au modèle de la Villeneuve, et qui est avant les grandes opérations de renouvellement qui ont été réalisées sur les dernières années aussi. Donc c'est intéressant d'écouter ça, puisqu'on peut se poser la question dans quelle mesure en fait la rénovation urbaine qui a eu lieu ces dernières années, qui continue, répond aux réels enjeux du quartier, ou bien au mode de financement du quartier. J'y suis presque, donc peut-être qu'on va y arriver. En fait, ce qui serait bien, c'est qu'on y arrive, donc je me dis, autant pas lâcher l'affaire, voilà, ça y est, j'y suis. Donc ça va, c'était un petit peu technique, parce qu'il fallait l'ouvrir ailleurs que dans le lecteur principal. On y va, on écoute ça. À partir de 1967 environ, c'est un projet qui renvoie peut-être pas à une utopie, mais quand même à une position de l'après-guerre, formulée dans un premier temps par des architectes qui se sont révoltés contre le grand maître Le Corbusier, et qui et finalement, même si on dit que c'est un grand ensemble, en fait, c'est plutôt un projet qui est basé sur une critique des premiers grands ensembles. S'il y a quelque chose qui s'approche de l'utopie là-dedans, c'est l'idée qu'il serait possible de réinventer la forme de la ville pour qu'elle soit adaptée à une société désormais motorisée, une société aussi d'État-providence et des loisirs de masse. Dès le début, le projet a été habité par la classe moyenne. Il y avait évidemment des familles issues de l'immigration. Donc c'était un espace très mixte en termes de sa population. Je pense qu'il y avait à l'époque une forme de réalisme qui consistait à dire, on est dans une société de consommation de masse, comment est-ce qu'on va envisager la ville ? Et il y avait un mélange, je dirais, de méfiance, parfois même une méfiance assez forte, et en même temps un petit peu d'optimisme. Peu à peu, les classes moyennes ont déserté le lieu. Il en reste encore aujourd'hui, il ne faut pas non plus exagérer, mais ce sont des gens qui étaient dès le départ très convaincus du bien fondé de l'approche de cette architecture. Je pense que, par exemple, l'espace de la galerie est en effet un espace qui apporte beaucoup d'aménités et de confort aux gens. Je pense aussi que la qualité des espaces intérieurs des appartements est très appréciable. Il n'y a pas de doute, on est dans un rapport à la montagne, donc qui est exceptionnel. Là où ça marche beaucoup moins bien, c'est au niveau du rapport entre les espaces collectifs et privés. Il y avait un grand optimisme dans ce projet qui se manifestait à travers une sorte de continuité entre les espaces publics du sol et les appartements dans les étages. Les ascenseurs s'ouvrent directement sur la galerie, et une fois qu'on est dans les étages, on est dans des coursives qui étaient censées être des espaces de sociabilité entre voisins. Il y a également un système de galeries à R+1, dans lequel on trouve sa boîte aux lettres, etc. Alors là-dedans, il y a quand même des tas d'articulations qui ne marchent plus, et qui n'ont peut-être pas vraiment marché dès le début. Tout ça serait à revoir. C'est un espace qui, depuis 10 ans, ou un peu plus, même 15 ans, je dirais, suscite des émotions de plus en plus contradictoires. Et bien sûr que les rénovations récentes ont joué un rôle là-dedans, mais je pense que ce n'est pas que ça. C'est un espace qui est hélas trop coupé du reste de la ville. Et non pas parce qu'il manque de transport en commun, c'est pas ça la question. Le problème est plutôt que si on n'y vit pas, on n'a vraiment pas de raison d'y aller. Et pourtant, par exemple, le parc est un espace de qualité exceptionnelle. Il y a des équipements qui pourraient aussi avoir un usage à l'échelle de tout Grenoble. Et pourquoi pas imaginer aussi que dans la ville neuve, qu'il y ait des manifestations culturelles importantes. Voilà, je pense que la grande leçon pour moi et pour mes collègues de la ville neuve a été de dire qu'une grande partie de ce que nous avons à faire est de revenir avec un peu de patience sur ce qui a été fait et d'y trouver toutes les qualités qu'il peut avoir. À partir de 19... Merci Théo pour avoir réussi à diffuser cet extrait qui raconte l'histoire de la ville neuve et discute de ces aménagements plus contemporains, mais d'il y a maintenant 10 ans. On le sait un peu moins, c'est aussi des groupes d'habitants de la ville neuve qui ont parfois participé à faire émerger des projets d'habitat participatif. On pourrait les voir comme des formes d'habitat totalement opposées. Et c'est l'effervescence notamment socioculturelle de la ville neuve à sa création qui a favorisé ces dynamiques habitantes. Et je vous propose donc d'écouter Jacqueline Goldsmith qui raconte l'histoire de l'habitat participatif des naïfs à Mélan, où elle habitait donc il y a une dizaine d'années. Il y a un groupe de gens qui, dans les années fin des années 70, vers 79 par là, qui se connaissaient et qui étaient la plupart à la Villeneuve, mais pas tous, et qui ont commencé à réfléchir sur une autre façon d'habiter. Il y a eu ce projet de ZAC des Péalières, donc la municipalité de Mélan avait fait un atelier public d'urbanisme. Et dans le cadre de ce projet-là, avait accepté de réserver 3 terrains pour des habitats, ça s'appelait groupé autogéré à l'époque, et dont un en locatif. Le groupe a choisi un architecte, Pluralis sera le bailleur, le propriétaire, et en septembre 1984, une convention est signée avec les HLM, qui reconnaît la spécificité de cet habitat. Chacun paye pour la surface qu'il a dans son appartement, plus environ 12% qui se trouve ici. Le loyer des communs est intégré dans les loyers individuels. Pour le T4, c'est autour de 550 euros. Mmh. On a des chauffages au gaz individuels, donc ça c'est à notre charge, tout ce qui est électricité, eau... Gaz, c'est à notre charge. Et puis, quand on habite ici, on signe la convention avec Pluralis. Et aussi, on adhère à l'association, puisqu'on est une association, les Naïfs. Et on paye une cotisation. Ça nous permet d'entretenir les communs, d'acheter des plantes, de changer un petit peu le matériel, la cuisine, etc. Voilà. Quand il y a un appartement qui se libère, on se réunit et... pose la question, est-ce que quelqu'un veut déménager dans l'appartement qui se libère ? Une fois qu'on a fait cette première attribution éventuelle, on cherche les remplaçants. Alors c'est arrivé plusieurs fois que des membres du groupe, soit un, soit plusieurs membres, présentent quelqu'un de leur connaissance. Alors une fois qu'on a quelqu'un à proposer, on commence par l'envoyer chez Pluralis, faire un dossier pour être sûr qu'il est dans les clous, d'être dans les clous, dans les critères HLM. Mmh. Bon, une fois ce dossier fait, cette étape-là faite, on se réunit. Alors, on demande à la personne qui est candidate de le faire une petite lettre pour se présenter, dire ses motivations un peu. Bon, et puis on a essayé d'éviter le jury d'embauche et on reçoit celui qui présente quelqu'un, le reçoit chez lui pour un apéro et les voisins peuvent passer, faire connaissance. On fait les choses choses de façon comme ça, conviviale. Et ensuite, on se réunit et puis on discute et voilà, et puis on vote. Trois quarts et avec un droit de veto qu'on n'a jamais utilisé. L'été, c'est le salon dans la cour, hein. On met une table et des chaises, on se prend des. On se fait des petits. Ouais, on se boit un coup ensemble, on se fait des petits. Il y a eu des petits déjeuners dans la cour aussi, ouais, ou des apéros, ou bon, mais ça c'est en été. Sinon, effectivement, l'hiver, il y a un peu moins de communication entre les gens, ou alors ça se passe ici à l'intérieur. Et dans les jardins, alors les jardins communiquent, et puis bon. Effectivement, d'un jardin à l'autre, ou après les gens sont sur leur balcon, on leur dit bon ben tu descends boire un café, enfin c'est, ça se passe comme ça. Oui, au niveau de la construction, c'est l'isolation qui n'est pas bonne. On a trop de voitures, parce qu'au début on arrivait à se garer, hein, il n'y avait pas de problème. Maintenant, par famille, il faut compter deux ou trois voitures, hein, maintenant c'est plus une voiture, donc on ne sait plus où les mettre. Bon, ceci dit, moi je suis très bien, là. Je suis la convivialité avec les voisins, la nature, alors, on est dans un endroit superbe. Il y a eu un regain d'énergie là par rapport à, il va falloir qu'on fête nos 30 ans, et pourtant tout le monde n'est pas là depuis 30 ans, hein, on n'est plus que 4. Voilà un extrait d'un reportage qu'on avait fait au Naïf, qui était bien plus long. Et c'était aussi assez intéressant de faire ce type de format. D'ailleurs, on avait proposé, au-delà de la diffusion en direct, un reportage disponible aussi sur notre blog. C'est vrai que en architecture, donc les thèmes de l'habitat participatif sont des choses aujourd'hui très très importantes, même si les témoignages donc qu'on a de cette époque d'il y a 10 ans sont clairement différents à ce qu'on traverse aujourd'hui. Il n'en reste pas moins intéressant d'en apprendre justement pour pouvoir nous construire le futur de l'habitat participatif en tant qu'architecte et urbaniste. Je vous propose maintenant du coup de passer à un autre sujet, à d'autres extraits qui traitent de l'espace public, avec tout d'abord un micro-trottoir de Grenoblois. Grenobloise. Votre espace public préféré ? À Grenoble ? À Grenoble. Espace public ? Ouais. Ça veut dire quoi, espace public ? Moi je pense que c'est bien le parc Paul Mistral. Hein. Et pourquoi ? Bon, c'est mieux que le jardin de ville. À un moment on est espacé, on a un peu d'herbe et tout, on est bien. Ce que t'aimes pas, c'est pourquoi ? Il n'y a pas assez d'espace. On n'a pas la place de se poser entre petits groupes et tout, alors qu'ici, il y a la place. L'anneau de vitesse, le parc Mistral. Ouais. Ouais, parce que c'est un endroit agréable, il y a de la verdure. Moi, je suis skateur, donc on peut skater ensemble et tout, c'est cool. C'est assez familial, c'est bon enfant, il y a des cours de salsa, il y a des cours de dressage de chiens, il y a tout, c'est vraiment cool. Victor Hugo aussi, parce que y a tous les magasins autour et c'est là qu'on va en général quand on va à Grenoble, quoi. La nouvelle aménagement des quais, j'aime bien. Alors, à vélo. Et pourquoi ? Mais parce que j'aime bien y aller à vélo sur les berges. Bah, les raisons, c'est la proximité de mon domicile. C'est pas mal. Quand je vais pas en montagne, je vais par ici. Est-ce qu'il y a un espace public alors que vous aimez pas Grenoble ? Un endroit. Le parc Paul Mistral. Je pourrais pas me poser avec une fille au parc Paul Mistral. Je pourrais pas me poser avec elle. C'est par l'abri des regards. D'accord. Ici, c'est à l'abri des regards. Quand il n'y a personne, ça n'a rien d'aller au parc, quoi. A priori, un espace public, c'est forcément positif, sauf s'il est investi par d'autres personnes que. Enfin, voilà, des dealers, ça peut arriver, des espaces publics qui sont un peu privatisés par les mauvaises voies. Et maintenant, après ces habitants et citadins de Grenoble, écoutons Lucille Lheureux, qui était à l'époque. Nouvelle adjointe aux espaces publics du premier mandat des écologistes et de la gauche grenobloise. Aujourd'hui, notre postulat de départ, c'est de concevoir et de considérer les espaces publics non plus comme simplement des lieux, supports de déplacement, de mobilité, de traversée, où on va d'un point A à un point B, mais bien comme des lieux de vie. L'enjeu dans les années qui viennent, c'est de réussir à retrouver un peu plus d'âme dans ces espaces publics et de les réinvestir, de les réaménager, là où jusque-là on s'est contenté d'enlever le mobilier parce qu'il pouvait être occupé par des SDF, et où aussi surtout remettre du mobilier de proposition d'usage et plus seulement du mobilier qui contraint, et voilà, d'avoir que des potelés, des barrières en ville. Peut-être qu'on peut retrouver des bancs, des tables, des barbecues, des arbres, des jardinières, des jardins. Alors aujourd'hui, on a plusieurs volets d'action. Le premier autour du jardinage est de se dire que l'espace public, pas seulement dans les parcs et les jardins, il peut être support de jardinage, donc y compris les places, les trottoirs. C'est quand même assez spécifique, les parcs et les jardins. C'est déjà des lieux qui sont principalement dévolus aux loisirs. Il y a très peu d'usage commercial de ces parcs. Pour nous, il y a deux enjeux. Le premier, c'est à la fois de préserver la biodiversité, d'en faire vraiment des zones de refuge et des zones très favorables à la biodiversité. Et puis d'autre part, on sait que ce sont des lieux récréatifs qui sont appréciés par tous les publics. Donc il faut qu'on arrive à continuer d'avoir cet équilibre entre un espèce de conservatoire de faune, de flore en ville, et puis quand même des lieux d'accueil, de loisirs. Il n'y a pas tellement de réserves foncières aujourd'hui à Grenoble pour envisager la création de nouveaux grands parcs. L'enjeu, c'est plutôt de végétaliser et de rendre plus agréable plein de petits lieux, d'abord d'écoles, de petites places, qui peuvent vraiment revêtir un caractère de square, de jardin, mais plutôt sur des espaces restreints. Sur la voirie, pour faire simple, ce qu'on vit, c'est que aujourd'hui la voiture, elle représente que 50% des déplacements. L'objectif, c'est que les aménagements pour la voiture ne représentent que 50% des espaces publics, ce qui est très très très très loin d'être le cas aujourd'hui. Le principe de base, c'est de se dire que chacun a sa place, chaque mode de déplacement doit avoir sa place en site propre. Donc piéton sur trottoir, cycle sur chaussée, de préférence sur des voies spécifiques aménagées, des pistes cyclables, pourquoi pas des autoroutes à vélo. Transport en commun en site propre, sur chaussée, spécifiquement pour eux, et voiture sur chaussée, là où il y a de la place. Donc 10 ans après, c'était hyper intéressant d'écouter ces témoignages, et surtout pour nous, étudiantes et étudiants en architecture, je pense que ça permet de créer un vrai fil rouge dans les enjeux actuels et ce que ça a posé comme question, l'urbanisme de la ville à travers les époques. Donc, merci pour ça, Yvan. Effectivement, on verra si l'histoire dira si Lucille Leroux est la candidate de la gauche et des écologistes aux prochaines municipales. En tout cas, c'était un extrait de ses premiers projets menés et qu'elle revendique aujourd'hui. On vous propose peut-être de faire une nouvelle pause donc avec Maxime Le Forestier qui chante comme un arbre et il fait écho à cette discussion sur l'espace public. Comme un arbre dans la ville. Je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile, comme un arbre dans la ville. Comme un arbre dans la ville, j'ai grandi loin des futaies. Mes frères des forêts ont fondé une famille, comme un arbre dans la ville. Entre béton et bitume, pour pousser je me débats, mais mes branches volent bas. Des autos qui fument entre béton et bitume. Comme un arbre dans la ville, j'ai la fumée des usines pour prison et mes racines, on les recouvre de gris. Comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la vie, j'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles, comme un arbre. Où j'ai vécu, comme un arbre dans la vie. Ami fait après ma mort, barricade de mon corps et du feu de mes branches, comme un arbre dans la ville. Retour dans les studios pour cette émission Revival de Gratianopolis. On est toujours sur Radio Campus Grenoble, 90.8 dans l'émission Revival de Gratianopolis sur la métropole grenobloise. Et donc, avec Yvan et Angèle. Yvan, quel retour d'expérience aurais-tu à nous faire ? Peut-être un premier, c'est qu'effectivement, prendre en main la technique, ça prend du temps. Je pense que c'est peut-être aussi une des conclusions que vous aurez à la fin de la journée. Effectivement, pour aussi avoir assez d'assurance, de confiance, ça demande quelques émissions. Hein. Je me suis pas fait le mauvais cadeau de repasser notre introduction parce que voilà, on butait sur quelques mots quand même, mais je pense que les émissions de radio sont un bon moyen de à la fois explorer et prendre du recul par rapport au sujet de l'aménagement, au-delà de l'approche aussi par l'image qu'on a souvent, notamment dans nos disciplines. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le média de la radio, finalement, beaucoup de gens quand même en sont assez assez friands ou assez habitués, parce que tout le monde a écouté la radio dans sa voiture, dans sa cuisine, et c'est un bon moyen, je crois, de croiser les avis, les points de vue d'experts, mais aussi de citoyens ou tout simplement d'habitants, d'autant plus dans ces périodes un peu de peut-être on pourrait dire troublées au niveau institutionnel et d'élections municipales en 2026. Après ces 13 émissions, quel projet pour le futur ? Alors, quel projet ? Je sais pas, c'est un peu ce qui a émergé dans ma tête quand j'ai su effectivement qu'il y avait ce studio-là qui se montait à l'école d'architecture. Pour l'instant, aucun projet concret, mais toujours l'envie de mettre au débat des questions d'aménagement, tout en sachant que la radio, les émissions de radio, des podcasts s'adressent aussi à un public. Donc, quelle est autant l'échelle pertinente pour questionner l'aménagement et quelle est finalement... la population intéressée par territoire-là, quoi. Est-ce que parfois poser des questions à une autre échelle, c'est pas plus pertinent, voilà. Et un nouveau du temps comme enseignant-chercheur depuis quelques semaines, voilà, ça me quand même turlupine. Donc c'est presque un appel à d'autres idées, d'autres motivations pour tout continuer à parler d'architecture, d'urbanisme, de paysage, d'aménagement, voire de géographie à la radio. Et je crois qu'on touche un peu à la fin de cette émission. Donc merci. Merci à Angèle et Gwendoline qui ont participé à animer cette émission un peu au dernier moment. Merci à Marc pour la technique. Merci à Théo pour l'organisation et la technique aussi. Merci à tous. Et merci à toi, Yvan, pour la disponibilité. Et encore merci beaucoup à la régie et aux techniciens et techniciennes qui nous permettent d'exposer ce genre de projet. Merci. Merci Yvan, merci Angèle, merci Gwendoline. Ça m'a fait vraiment plaisir d'écouter cet échange. À la fois, ça m'a fait plaisir de vous entendre toutes les deux prendre le relais comme ça sur l'animation. C'était super, bravo à vous. Et puis merci Yvan, parce qu'on a beaucoup parlé de son aujourd'hui, avec la radio, le prétexte, le cresson aussi. Et tu nous as aussi permis de ramener un sujet sur la table, c'est que la radio, c'est aussi amener du discours, et pas que du son et des ambiances sonores, mais aussi du discours, de la voix, de la parole et du sens à tout ça à travers le discours. Et donc, parler d'architecture dans la radio, c'est pas parler que de son, c'est aussi parler d'architecture, tout simplement. Et donc ça, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup. Et puis, on clôture cette émission comme ça. Ça vous va ? À bientôt. Vous êtes toujours sur Radio Campus Grenoble, 90.8 FM, en direct de l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble. Et on est encore ensemble pour une petite heure, car dans quelques instants, à peine 5 minutes, on se retrouve sur les toits de l'École d'architecture pour une performance d'Emma Loriot et de Julien Claus, qui seront en direct sur Radio Campus et à l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble, qui vont présenter une pièce appelée Météo mondiale. Donc je vous donne rendez-vous dans 5 minutes pour une écoute apaisante et excitante. À tout à l'heure.